Small Flanders, deuxième partie. Après qu'il eut ainsi amorcé son hameçon et assez aisément trouvé le moyen de placer l'appât sur ma route, il joua à jeu découvert et, un jour, passant par la chambre de sa sœur pendant que j'y étais, il entre avec un air de gaieté. « Oh, Madame Betty !» me dit-il. « Comment allez-vous, Madame Betty ? Est-ce que les joues ne vous brûlent pas, Madame Betty ?» Je fis une révérence et me mis à rougir, mais ne répondis rien. « Pourquoi lui dis-tu cela, mon frère ? » dit la demoiselle. « Mais, reprit-il, parce que nous venons de parler d'elle, en bas, cette demi-heure ?»« Eh bien, dit sa sœur, vous n'avez pas pu dire de mal d'elle, j'en suis sûre. Ainsi, peu importe ce dont vous avez pu parler. »« Non, non, dit-il, nous avons été si loin de dire du mal d'elle que nous en avons dit infiniment de bien, et beaucoup, beaucoup de belles choses ont été répétées sur Madame Betty, je t'assure. » Et en particulier que c'est la plus jolie jeune fille de Colchester. Et bref, ils commencent en ville à boire à sa santé. « Je suis vraiment surprise de ce que tu dis, mon frère, » répond la sœur. « Il ne manque qu'une chose à Betty, mais autant vaudrait qu'il lui manque à tout, car son sexe est en baisse sur le marché au temps présent. Et si une jeune femme a beauté, naissance, éducation, esprit, sens, bonne façon et chasteté, et tout à l'extrême, toutefois, si elle n'a point d'argent, elle n'est rien. Autant vaudrait que tout lui fît défaut. L'argent seul de nos jours recommande une femme. Les hommes se passent le beau jeu tour à tour. » Son frère cadet, qui était là, s'écria. « Arrête, ma sœur, tu vas trop vite. Je suis une exception à ta règle. Je t'assure que si je trouve une femme aussi accomplie, je ne m'inquiéterai guère de l'argent. » « Oh !» dit la sœur, « mais tu prendras garde alors de ne point te mettre dans l'esprit une qui n'ait pas d'argent. »« Pour cela, tu n'en sais rien non plus, » dit le frère. « Mais pourquoi, ma sœur ? » dit le frère aîné, « pourquoi cette exclamation sur la fortune ? Tu n'es pas de celles à qui elle fait défaut, quelles que soient les qualités qui te manquent. » « Je te comprends très bien, mon frère, » réplique la dame fort aigrement. « Tu supposes que j'ai la fortune et que la beauté me manque. Mais tel est le temps que la première suffira. Je serai donc encore mieux partagée que mes voisines. » « Eh bien, dit le frère cadet, mais tes voisines pourront bien avoir part égale, car beauté ravit un mari, parfois en dépit d'argent. Et quand la fille se trouve mieux faite que la maîtresse, par chance, elle fait un aussi bon marché et monte en carrosse avant l'autre. » Je crus qu'il était temps pour moi de me retirer, et je le fis. Mais pas assez loin pour ne pas saisir tout leur discours, où j'entendis abondance de belles choses qu'on disait de moi, ce qui excita ma vanité, mais ne me mit pas en chemin, comme je le découvris bientôt, d'augmenter mon intérêt dans la famille, car la sœur et le frère cadet se querellèrent amèrement là-dessus. Et, comme il lui dit, à mon sujet, des choses fort désobligeantes, je pus voir facilement qu'elle en gardait rancune par la conduite qu'elle tint envers moi et qui fut en vérité bien injuste. Car je n'avais jamais eu la moindre pensée de ce qu'elle soupçonnait en ce qui touchait son frère cadet. Certainement, l'aîné, à sa façon obscure et lointaine, avait dit quantité de choses plaisamment que j'avais la folie de tenir pour sérieuse ou de me flatter de l'espoir de ce que j'aurais dû supposer qu'il n'entendrait jamais. Il arriva un jour qu'il monta tout courant l'escalier vers la chambre où ses sœurs se tenaient d'ordinaire pour coudre, comme il le faisait souvent, et, les appelant de loin avant d'entrer, comme il en avait aussi coutume, moi, étant là, seul, j'allai à la porte et dis « Monsieur, ces dames ne sont pas là, elles sont allées se promener au jardin. » Comme je m'avançais pour parler ainsi, il venait d'arriver jusqu'à la porte, et, me saisissant dans ses bras, comme c'eût été par chance, « Oh, Madame Betty, dit-il, êtes-vous donc là? C'est encore mieux, je veux vous parler à vous, bien plus qu'à elle. » Et puis, me tenant dans ses bras, il me baisa 3 ou 4 fois. Je me débattis pour me dégager, et toutefois, je ne le fis que faiblement, et il me tint serré et continua de me baiser jusqu'à ce qu'il fût hors d'haleine. Et, s'asseyant, il dit « Chère Betty, je suis amoureux de vous. » Ces paroles, je dois l'avouer, m'enflammèrent le sang. Tous mes esprits volèrent à mon cœur et me mirent assez en désordre. Il répéta ensuite plusieurs fois qu'il était amoureux de moi, et mon cœur disait aussi clairement qu'une voix que j'en étais charmé. Oui, et chaque fois qu'il disait « Je suis amoureux de vous », mes rougeurs répondaient clairement « Je le voudrais bien, monsieur ». Toutefois, rien d'autre ne se passa alors. Ce ne fut qu'une surprise, et je me remis bientôt. Il serait resté plus longtemps avec moi, mais par hasard, il regarda la fenêtre et vit ses sœurs qui remontaient le jardin. Il prit donc congé, me baisa encore, me dit qu'il était très sérieux et que j'en entendrais bien promptement davantage. Et le voilà parti, infiniment joyeux, et s'il n'y avait eu un malheur en cela, j'aurais été dans le vrai. Mais l'erreur était que Madame Betty était sérieuse et que le gentilhomme ne l'était pas. À partir de ce temps, ma tête courut sur d'étranges choses, et je puis véritablement dire que je n'étais pas moi-même d'avoir un tel gentilhomme qui me répétait qu'il était amoureux de moi et que j'étais une si charmante créature comme il me disait que je l'étais. C'était là des choses que je ne savais comment supporter. Ma vanité était élevée au dernier degré. Il est vrai que j'avais la tête pleine d'orgueil, mais, ne sachant rien des vices de ce temps, je n'avais pas une pensée sur ma vertu. Et si mon jeune maître l'avait proposé à première vue, il eût pu prendre toute liberté qu'il eût crue bonne. Mais il ne perçut pas son avantage, ce qui fut mon bonheur à ce moment. Il ne se passa pas longtemps avant qu'il trouvât l'occasion de me surprendre encore, et presque dans la même posture. En vérité, il y eut plus de dessein de sa part, quoique non de la mienne. Ce fut ainsi. Les jeunes dames étaient sorties pour faire des visites avec leur mère. Son frère n'était pas en ville, et pour son père, il était à Londres depuis une semaine. Il m'avait si bien guetté qu'il savait où j'étais, tandis que moi, je ne savais pas tant s'il était à la maison. Et il monte vivement l'escalier, et, me voyant au travail, entre droit dans la chambre, où il commença juste comme l'autre fois, me prenant dans ses bras et me baisant pendant presque un quart d'heure de suite. C'est dans la chambre de sa plus jeune sœur que j'étais, et comme il n'y avait personne à la maison que la servante au bas de l'escalier, il en fut peut-être plus hardi. Bref, il commença d'être pressant avec moi. Il est possible qu'il me trouvât un peu trop facile, car je ne lui résistais pas tant qu'il ne faisait que me tenir dans ses bras et me baiser. En vérité, cela me donnait trop de plaisir pour lui résister beaucoup. Eh bien, Fatigués de ce genre de travail, nous nous assîmes. Et là, il me parla pendant longtemps. Me dit qu'il était charmé de moi, qu'il ne pouvait avoir de repos, qu'il ne m'eût persuadé qu'il était amoureux de moi, et que si je pouvais l'aimer en retour, et si je voulais le rendre heureux, je lui sauverais la vie et mille belles choses semblables. Je ne lui répondis que peu, mais découvris aisément que j'étais une sotte et que je ne comprenais pas le moins du monde ce qu'il entendait. Puis il marcha par la chambre, et, me prenant par la main, je marchai avec lui, et, soudain, prenant son avantage, il me jeta sur le lit et m'y baisa très violemment. Mais, pour lui faire justice, ne se livra à aucune grossièreté, seulement me baisa pendant très longtemps. Après quoi, il crut entendre quelqu'un monter dans l'escalier, de sorte qu'il sauta du lit et me souleva, professant infiniment d'amour pour moi, mais me dit que c'était une affection entièrement honorable et qu'il ne voulait me causer aucun mal, et là-dessus, il me mit 5 guinées dans la main et redescendit l'escalier. Je fus plus confondu de l'argent que je ne l'avais été auparavant de l'amour, et commençai de me sentir si élevé que je savais à peine si je touchais la terre. Ce gentilhomme avait maintenant enflammé son inclination autant que ma vanité, et, comme s'il eût trouvé qu'il avait une occasion et qu'il fût lâché de ne pas la saisir, le voilà qui remonte au bout d'environ 1/2 heure et reprend son travail avec moi, juste comme il avait fait avant, mais avec un peu moins de préparation. Et d'abord, quand il fut entré dans la chambre, il se retourna et ferma la porte. « Madame Betty, dit-il, je m'étais figuré tout à l'heure que quelqu'un montait dans l'escalier, mais il n'en était rien. Toutefois, dit-il, si on me trouve dans la chambre avec vous, on ne me surprendra pas à vous baiser. » Je lui dis que je ne savais pas qui aurait pu monter l'escalier, car je croyais qu'il n'y avait personne à la maison que la cuisinière et l'autre servante, et elle ne prenait jamais cet escalier-là. « Eh bien, ma mignonne, il vaut mieux s'assurer, en tout cas. » Et puis s'assied, et nous commençâmes à causer. Et maintenant, quoique je fusse encore tout en feu de sa première visite, ne pouvant parler que peu, il semblait qu'il me mît les paroles dans la bouche, me disant combien passionnément il m'aimait et comment il ne pouvait rien avant d'avoir disposition de sa fortune, mais que dans ce temps-là, il était bien résolu à me rendre heureuse, et lui-même, c'est-à-dire de m'épouser, et abondance de telles choses, dont moi, pauvre sotte, je ne comprenais pas le dessein, mais agissais comme s'il n'y eût eu d'autre amour que celui qui tendait au mariage. Et s'il eût parlé de l'autre, je n'eusse trouvé ni lieu ni pouvoir pour dire non. Mais nous n'en étions pas encore venus à ce point-là. Nous n'étions pas restés assis longtemps qu'il se leva et, m'étouffant vraiment la respiration sous ses baisers, me jeta de nouveau sur le lit. Mais alors, il alla plus loin que la décence ne me permet de rapporter, et il n'aurait pas été en mon pouvoir de lui refuser à ce moment s'il avait pris plus de privauté qu'il ne fit. Toutefois, bien qu'il prît ses libertés, il n'alla pas jusqu'à ce qu'on appelle la dernière faveur, laquelle, pour lui rendre justice, il ne tenta point. Et ce renoncement volontaire lui servit d'excuse pour toutes ses libertés avec moi en d'autres occasions. Quand ce fut terminé, il ne resta qu'un petit moment, mais me glissa presque une poignée d'or dans la main et me laissa 1000 prestations de sa passion pour moi, m'assurant qu'il m'aimait au-dessus de toutes les femmes du monde. Il ne semblera pas étrange que maintenant je commençais de réfléchir. Mais hélas, ce fut avec une réflexion bien peu solide. J'avais un fond illimité de vanité et d'orgueil, un très petit fond de vertu. Parfois, certes, je ruminais en moi pour deviner ce que visait mon jeune maître, mais ne pensais à rien qu'aux belles paroles et à l'or. Qu'il eût l'intention de m'épouser ou non me paraissait affaire d'assez petite importance, et je ne pensais pas tant à faire mes conditions pour capituler jusqu'à ce qu'il me fît une sorte de proposition en forme comme vous allez l'entendre. Ainsi, je m'abandonnais à la ruine sans la moindre inquiétude. Jamais rien ne fut si stupide des deux côtés. Si j'avais agi selon la convenance et résisté, comme l'exigeaient l'honneur et la vertu, ou bien il eût renoncé à ses attaques, ne trouvant point lieu d'attendre l'accomplissement de son dessein, ou bien il eût fait de belles et honorables propositions de mariage. Dans quel cas on aurait pu le blâmer par aventure, mais non moi. Bref, s'il m'eût connu, et combien était aisé à obtenir la bagatelle qu'il voulait, il ne se serait pas troublé davantage la tête, mais m'aurait donné 4 ou 5 guinées et aurait couché avec moi la prochaine fois qu'il serait venu me trouver. D'autre part, si j'avais connu ses pensées, et combien dur il supposait que je serais à gagner, j'aurais pu faire mes conditions. Et si je n'avais capitulé pour un mariage immédiat, j'aurais pu le faire pour être entretenu jusqu'au mariage et j'aurais eu ce que j'aurais voulu, car il était riche à l'excès, outre ses espérances. Mais j'avais entièrement abandonné de semblables pensées et j'étais occupée seulement de l'orgueil de ma beauté et de me savoir aimée par un tel gentilhomme. Pour lors, je passais des heures entières à le regarder. Je comptais les guinées 1000 fois par jour. Jamais pauvre vaine créature ne fut si enveloppée par toutes les parties du mensonge que je ne le fus, ne considérant pas ce qui était devant moi et que la ruine était tout près de ma porte, et, en vérité, je crois que je désirais plutôt cette ruine que je ne m'étudiais à l'éviter. Néanmoins, pendant ce temps, j'avais assez de ruse pour ne donner lieu le moins du monde à personne de la famille d'imaginer que j'entretinsse la moindre correspondance avec lui. À peine si je le regardais en public ou si je lui répondais lorsqu'il m'adressait la parole. Et cependant, malgré tout, nous avions de temps en temps une petite entrevue où nous pouvions placer un mot ou deux, et ça et là un baiser, mais point de belle occasion pour le mal méditer, considérant surtout qu'il faisait plus de détours qu'il n'en était besoin et que la chose lui paraissant difficile, il la rendait telle en réalité. Mais comme le démon est un tentateur qui ne se lasse point, ainsi ne manque-t-il jamais de trouver l'occasion du crime auquel il invite. Ce fut un soir que j'étais au jardin, avec ses 2 jeunes sœurs et lui, qu'il trouva le moyen de me glisser un billet dans la main, où il me disait que le lendemain, il me demanderait en présence de tout le monde d'aller faire un message pour lui, et que je le verrai quelque part sur mon chemin. En effet, après dîner, il me dit gravement, ses sœurs étant toutes là, « Madame Betty, j'ai une faveur à vous demander. »« Et laquelle donc ?» demande la seconde sœur. « Alors, ma sœur, dit-il très gravement, si tu ne peux te passer de Madame Betty aujourd'hui, tout autre moment sera bon. » « Mais si, dirent-elle. Elle pouvait se passer d'elle fort bien, et la sœur lui demanda pardon de sa question. « Eh bien, mais, dit la sœur aînée, il faut que tu dises à Madame Betty ce que c'est. Si c'est quelque affaire privée que nous ne devions pas entendre, tu peux l'appeler dehors, la voilà. » « Comment, ma sœur ? » dit le gentilhomme très gravement. « Que veux-tu dire ? » « Je voulais seulement la prier de passer dans High Street, » et il tire de sa poche un rabat, « dans telle boutique. » Et puis il leur raconte une longue histoire sur deux belles cravates de mousseline dont il avait demandé le prix et qu'il désirait que j'allasse en message acheter un tour de cou pour ce rabat qu'il montrait, et que, si on ne voulait pas prendre le prix que j'offrirais des cravates, que je misse un shilling de plus et marchandasse avec eux. Et ensuite, il imagina d'autres messages et continua ainsi de me donner proue d'affaires afin que je fusse bien assuré de demeurer sorti un bon moment. Quand il m'eut donné mes messages, il leur fit une longue histoire d'une visite qu'il allait rendre dans une famille qu'ils connaissaient tous et où devaient se trouver tels et tels gentilshommes, et très cérémonieusement pria ses sœurs de l'accompagner. Et elles, en semblable cérémonie, lui refusèrent à cause d'une société qui devait venir leur rendre visite cet après-midi. Toute chose, soit dit en passant, qu'il avait imaginées à dessein. Il avait à peine fini de parler que son laquais entra pour lui dire que le carrosse de sœur W.H. venait de s'arrêter devant la porte. Il y court et revient aussitôt. « Hélas ! » dit-il à haute voix, « voilà tout mon plaisir gâté d'un seul coup. Sœur W. envoie son carrosse pour me ramener. Il désire me parler. » Il paraît que ce sœur W. était un gentilhomme qui vivait à 3 lieues de là, à qui il avait parlé à dessein, afin qu'il lui prêtât sa voiture pour une affaire particulière, et l'avait appointé pour venir le chercher au temps qu'elle arriva vers 3 heures. Aussitôt, il demanda sa meilleure perruque, son chapeau, son épée, et, ordonnant à son laquais d'aller l'excuser à l'autre endroit, c'est-à-dire qu'il inventa une excuse pour renvoyer son laquais, il se prépare à monter dans le carrosse. Comme il sortait, il s'arrêta un instant et me parle en grand sérieux de son affaire et trouve occasion de me dire très doucement « Venez me rejoindre, ma chérie, aussitôt que possible. » Je ne dis rien, mais lui fis ma révérence, comme je l'avais faite auparavant, lorsqu'il avait parlé devant tout le monde. Au bout d'un quart d'heure environ, je sortis aussi, sans avoir mis d'autre habit que celui que je portais, sauf que j'avais une coiffe, un masque, un éventail et une paire de gants dans ma poche. Si bien qu'il n'y eut pas le moindre soupçon dans la maison. Il m'attendait dans une rue de derrière, près de laquelle il savait que je devais passer, et le cocher savait où il devait toucher, en un certain endroit nommé Mile End, où vivait un confident à lui, où nous entrâmes et où se trouvaient toutes les commodités du monde pour faire tout le mal qui nous plairait. Quand nous fûmes ensemble, il commença de me parler très gravement et de me dire qu'il ne m'avait pas amené là pour me trahir, que la passion qu'il entretenait pour moi ne souffrait pas qu'il me déçût, qu'il était résolu à m'épouser sitôt qu'il disposerait de sa fortune, que cependant, si je voulais accorder sa requête, il m'entretiendrait fort honorablement, et me fit 1000 protestations de sa sincérité et de l'affection qu'il me portait, et qu'il ne m'abandonnerait jamais, et, comme je puis bien dire, fit 1000 fois plus de préambules qu'il n'en eût eu besoin. Toutefois, comme il me pressait de parler, je lui dis que je n'avais point de raison de douter de la sincérité de son amour pour moi après tant de protestations, mais... Et ici je m'arrêtai, comme si je lui laissais à deviner le reste. « Mais quoi, ma chérie ? » dit-il, « je devine ce que vous voulez dire. Et si vous alliez devenir grosse, n'est-ce pas cela ? Eh bien alors, dit-il, j'aurai soin de vous et de vous pourvoir, aussi bien que l'enfant. Et afin que vous puissiez voir que je ne plaisante pas, dit-il, voici quelque chose de sérieux pour vous. » Et là-dessus, il tire une bourse de soie avec 100 guinées et me la donna. « Je vous en donnerai une autre pareille, dit-il, tous les ans, jusqu'à ce que je vous épouse. » Ma couleur monta et s'enfuit à la vue de la bourse et tout ensemble au feu de sa proposition, si bien que je ne pus dire une parole, et il s'en aperçut aisément. De sorte que, glissant la bourse dans mon sein, je ne lui fis plus de résistance, mais lui laissai faire tout ce qui lui plaisait et aussi souvent qu'il lui plut, et ainsi je scellai ma propre destruction d'un coup. Car de ce jour, étant abandonné de ma vertu et de ma chasteté, il ne me resta plus rien de valeur pour me recommander ou à la bénédiction de Dieu ou à l'assistance des hommes. Mais les choses ne se terminèrent pas là. Je retournai en ville, fis les affaires dont il m'avait prié, et fus rentré avant que personne s'étonnât de ma longue sortie. Pour mon gentilhomme, il resta dehors jusque tard dans la nuit, et il n'y eut pas le moindre soupçon dans la famille, soit sur son compte, soit sur le mien. Nous eûmes ensuite de fréquentes occasions de renouveler notre crime, en particulier à la maison, quand sa mère et les jeunes demoiselles sortaient en visite, ce qu'ils guettaient si étroitement qu'ils n'y manquaient jamais. Sachant toujours d'avance le moment où elles sortaient, et n'omettaient pas alors de me surprendre toute seule et en absolue sûreté. De sorte que nous prîmes notre plein de nos mauvais plaisirs pendant presque la moitié d'une année. Et cependant, à ma bien grande satisfaction, je n'étais pas grosse. Mais avant que cette demi-année fût expirée, son frère cadet, de qui j'ai fait quelques mentions, entra au jeu avec moi et, me trouvant seul au jardin un soir, me commence une histoire de même sorte, fit de bonnes et honnêtes protestations de son amour pour moi, et, bref, me propose de m'épouser bellement, en tout honneur. J'étais maintenant confondue et poussée à une telle extrémité que je n'en avais jamais connu de semblable. Je résistai obstinément à sa proposition et commençai de m'armer d'arguments. Je lui exposai l'inégalité de cette alliance, le traitement que je rencontrerais dans sa famille, l'ingratitude que ce serait envers son bon père et sa mère qui m'avaient recueilli dans leur maison avec de si généreuses intentions, et lorsque je me trouvais dans une condition si basse. Et bref, je dis, pour le dissuader, tout ce que je pus imaginer, excepté la vérité, ce qui aurait mis fin à tout, mais dont je n'osais même penser faire mention. Mais ici survint une circonstance que je n'attendais pas en vérité et qui me mit à bout de ressources. Car ce jeune gentilhomme, de même qu'il était simple et honnête, ainsi ne prétendait à rien qui ne le fût également. et connaissant sa propre innocence, il n'était pas si soigneux que l'était son frère de tenir secret dans la maison qu'il eût une douceur pour Madame Betty. Et quoiqu'il ne leur fît pas savoir qu'il m'en avait parlé, cependant il en dit assez pour laisser voir à ses sœurs qu'il m'aimait, et sa mère le vit aussi, et quoiqu'elle n'en fisse point semblant à mon égard, cependant elles ne le lui dissimulèrent pas, et aussitôt je trouvai que leur conduite envers moi était changée encore plus qu'auparavant. Je vis le nuage, quoique sans prévision de l'orage. Il était facile de voir, dis-je, que leur conduite était changée, et que tous les jours elle devenait pire et pire. Jusqu'à ce qu'enfin je fus informé que dans très peu de temps je serais prié de m'en aller. Je ne fus pas effrayé de la nouvelle, étant pleinement assuré que je serais pourvu, et surtout regardant que j'avais raison chaque jour d'attendre d'être grosse, et qu'alors je serais obligée de partir sans couleurs aucunes. Après quelque temps, le gentilhomme cadet saisit une occasion pour me dire que la tendresse qu'il entretenait pour moi s'était ébruitée dans la famille. Il ne m'en accusait pas, disait-il, car il savait assez par quels moyens on l'avait su. Il me dit que c'était ses propres paroles qui en avaient été l'occasion, car il n'avait pas tenu son respect pour moi aussi secret qu'il eût pu, et la raison en était qu'il était au point que, si je voulais consentir à l'accepter, il leur dirait à tous ouvertement qu'il m'aimait et voulait m'épouser. Qu'il était vrai que son père et sa mère en pourraient être fâchés et se montrer sévères, mais qu'il était maintenant fort capable de gagner sa vie, ayant profité dans le droit, et qu'il ne craindrait point de m'entretenir, et qu'en somme, comme il croyait que je n'aurais point honte de lui, ainsi était-il résolu à n'avoir point honte de moi, qu'il dédaignait de craindre m'avouer maintenant, moi qu'il avait décidé d'avouer après que je serais sa femme. Qu'ainsi je n'avais rien à faire qu'à lui donner ma main et qu'il répondrait du reste. J'étais maintenant dans une terrible condition en vérité, et maintenant je me repentis de cœur de ma facilité avec le frère aîné. Non par réflexion de conscience, car j'étais étrangère à ces choses, mais je ne pouvais songer à servir de maîtresse à l'un des frères et de femme à l'autre. Il me vint aussi à la pensée que l'aîné m'avait promis de me faire sa femme quand il aurait disposition de sa fortune. Mais en un moment, je me souvins d'avoir souvent pensé qu'il n'avait jamais plus dit un mot de me prendre pour femme après qu'il m'eût conquise pour maîtresse. Et jusqu'ici, en vérité, quoique je dise que j'y pensais souvent, toutefois je n'en prenais pas d'inquiétude, car il ne semblait pas le moins du monde perdre de son affection pour moi, non plus que de sa générosité. Quoique lui-même eut la discrétion de me recommander de ne point dépenser 2 sols en habits ou faire la moindre parade, parce que nécessairement cela exciterait quelque envie dans la famille, puisque chacun savait que je n'aurais pu obtenir ces choses par moyens ordinaires, sinon par quelque liaison privée dont on m'aurait soupçonné sur le champ. J'étais donc dans une grande angoisse et ne savais que faire. La principale difficulté était que le frère cadet non seulement m'assiégeait étroitement, mais le laissait voir. Il entrait dans la chambre de sa sœur ou dans la chambre de sa mère, s'asseyait et me disait 1000 choses aimables en face d'elle. si bien que toute la maison en parlait et que sa mère l'en blâma et que leur conduite envers moi parut toute changée. Bref, sa mère avait laissé tomber quelques paroles par où il était facile de comprendre qu'elle voulait me faire quitter la famille, c'est-à-dire, en français, me jeter à la porte. Or, j'étais sûre que ceci ne pouvait être un secret pour son frère. Seulement, il pouvait penser, car personne n'y songeait encore, que son frère cadet ne m'avait fait aucune proposition. Mais de même que je voyais facilement que les choses iraient plus loin, ainsi vis-je pareillement qu'il y avait nécessité absolue de lui en parler ou qu'il m'en parlât, mais je ne savais pas si je devais m'ouvrir à lui la première ou bien attendre qu'il commençât. Après sérieuse considération, car, en vérité, je commençais maintenant d'abord à considérer les choses très sérieusement, je résolus de lui en parler la première, et il ne se passa pas longtemps avant que j'en eusse l'occasion, car précisément le jour suivant, son frère alla à Londres en affaires, et la famille étant sortie en visite, comme il arrivait avant, il vint, selon sa coutume, passer une heure ou deux avec Madame Betty.